Je crois en moi et en mes capacités. Je me sens de plus en plus en confiance, jour après jour. J'ai la force de réaliser tous mes rêves. J'ose entreprendre de nouveaux projets. J'atteins mes objectifs facilement. Je libère mon passé pour être pleinement dans l'instant présent. Je suis à l'écoute de mon intuition. Je choisis de me faire confiance. Je suis unique et parfait, tel que je suis. Je suis pleinement capable de réaliser tout ce que je souhaite. Je suis le maître de ma vie. Je suis équilibré. J'avance en pleine confiance. J'ose réaliser mes rêves. J'ai une confiance illimitée en moi. J'accomplis tout ce qui me tient à cœur. J'aime tous les aspects de mon être. Je choisis de croire en moi. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Je suis connectée à ma vérité intérieure et je l'exprime. J'ai conscience de mon fort potentiel et de mes capacités. Je maîtrise mes émotions, mes pensées et mes actions. Je m'aime et je me respecte tel que je suis. Je prends les rênes de ma vie. Je me respecte dans mes décisions. J'avance sereinement et en confiance dans la vie. Je me change pour mon plus grand bien-être. Je suis une personne magnifique et intelligente. J'aime la personne que je deviens jour après jour. Je mérite la réussite dans tous les domaines. Je suis en paix avec moi-même. Je possède des capacités illimitées. Je vais de mieux en mieux chaque jour. Je suis une personne formidable. Je sais que je peux tout réussir. Une grande confiance m'envahit de plus en plus chaque jour. J'ai le droit d'être unique et différent. Je suis amour, compassion et unité. Je fais mes propres choix de vie en pleine conscience. Je sais que je peux tout réaliser dans ma vie. Je ressors grandi de chaque expérience. Je suis rempli de force. J'apprends positivement chaque jour. Je m'estime et je me respecte dans la vie. Je suis serein et détendu. J'ai toutes les qualités en moi pour me sentir bien. Je choisis ma vie jour après jour. Je mérite une vie épanouie. Je fais confiance en mon ressenti. J'attire de belles personnes. Je vis en harmonie avec ma nature. J'apprécie chaque moment présent. Je respire en conscience régulièrement le long de la journée. Je suis connectée à ma guidance intérieure. J'avance en toute sérénité. Je suis de plus en plus sûre de moi. La vie me veut du bien. Je me laisse bercer en confiance par le courant de la vie. Je crée la vie que je souhaite. Je communique avec sincérité et bienveillance. Je suis la meilleure version de moi-même. Je suis en paix. Je suis une personne merveilleuse. Je suis connectée à mon potentiel illimité. Je suis une personne de valeur. Je suis capable de tout faire aussi bien que n'importe qui. Je donne le meilleur de moi-même. Je mérite le bonheur et le succès. J'ai le pouvoir de me changer. Je me pardonne et je pardonne aux autres pour avancer sereinement. Je suis libre de vivre ma vie telle que je la souhaite. Je choisis la joie, quels que soient les événements extérieurs. Je suis ouvert à tout changement positif dans ma vie. J'accepte tout ce qui est facilement. Je suis inspiré et créatif. Je m'adapte facilement à chaque situation. Je suis souple et fluide. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'attire à moi les situations positives. Je suis optimiste. J'ai tout le succès et l'abondance que je mérite. J'attire le meilleur dans ma vie. J'apprends et je grandis jour après jour. Je suis heureux et bien dans ma peau. Je m'aime et j'aime inconditionnellement. Je m'autorise à être moi-même. Je suis une personne exceptionnelle. Je fais naturellement tout ce qui est bon pour moi. Je suis remplie d'énergie positive. Je m'autorise à rayonner et à briller. Toutes les solutions viennent à moi avec évidence. Plus je lâche prise, plus j'ai confiance en la vie. Chaque journée m'apporte des petits et grands bonheurs. Je suis satisfait de ma vie. Je suis en phase avec moi-même et avec les autres. Toute ma vie se déroule joyeusement. Je tire une expérience positive de chaque situation. J'attire la lumière dans ma vie. J'inspire la confiance. J'expire la peur. J'accueille la spontanéité. J'ai le pouvoir de réaliser mes rêves. Je dépasse mes peurs facilement. Je suis un leader naturel bienveillant. Tout va très très bien. J'accepte pleinement la personne que je suis. Je suis responsable de ma vie. Je pense positivement à chaque instant. Je crée ma vie avec mes pensées. J'attire à moi l'abondance dans tous les domaines. Je suis une belle étincelle pleine de vie. Je suis tout ce que je suis. Je crois en moi et en mes capacités. Je me sens de plus en plus en confiance jour après jour. J'ai la force de réaliser tous mes rêves. J'ose entreprendre de nouveaux projets. J'atteins mes objectifs facilement. Je libère mon passé pour être pleinement dans l'instant présent. Je suis à l'écoute de mon intuition. Je choisis de me faire confiance. Je suis unique et parfait, tel que je suis. Je suis pleinement capable de réaliser tout ce que je souhaite. Je suis le maître de ma vie. Je suis équilibré. J'avance en pleine confiance. J'ose réaliser mes rêves. J'ai une confiance illimitée en moi.